frères et chaque sœur au nom de Jésus-Christ. Tuko nasalimia kila nduku na kila dada mujina la Yesu Kristo. Nous saluons aussi nos frères et nos sœurs qui nous suivent fidèlement en ligne. Tuko nasalimia tena nduku na wadada wenye kutufuata na waaminifu kupitia mtandao. Que le Seigneur puisse nous assister tous cet après-midi. Bwana apate kutusaidia shibote imangaribi. Sans plus tarder, nous vous invitons à vous lever. Bila kawia tumialika mpate kushimama. Nous allons prier. Tutaomba. Dieu notre Père. Mungu baba yetu. De tout cœur, nous ne cessons de te dire merci. Na moyo yote atuache kukwambia asante. C'est encore une opportunité que tu nous donnes. Ni bahati tena unetupatia. De nous approcher autour de ta parole. Tu pato karibia tena kando kando ya neno lako. Nous approcher de toi. Ukaribia tena wewe. C'est toi le véritable Dieu. Niwe jo Mungu wa kweli. Le seul secours que nous pouvons avoir dans ce monde, c'est toi le Seigneur Jésus. Musada tu pekele tunaweza kuwa nayo mu dunia ni Yesu Kristo. Le seul qui soit capable de calmer toute tempête dans nos vies, c'est toi. Ule eko na uwezo ya kushimamisha zuruba yote maisha yetu ni wewe. Le seul qui soit capable de nous donner un bon discernement, c'est toi. Mumoe anaweza kutupatia kutambua kuzuri kwa neno ni wewe. Et nous croyons Seigneur. Na tunaamini. Que ce n'est pas en vain que nous sommes assemblés. Aina kwa bule, tunakusanika hapa. Il y a des riches bénédictions, Seigneur, que nous allons tirer ce soir encore. Kuko mabaraka ya mingi litafaidia tena imangaribi. Que quiconque entre avec un péché reparte un homme ou une femme délivré. Quiconque venu étant malade, Seigneur, dans ta présence, il y a des riches bénédictions de guérison. Et même au-delà de ce que nous te demandons, accomplis-le, Seigneur, pour nous. Nous le demandons avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10. Wa Korinto wa kwanza sura 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Wa Korinto wa kwanza sura 10. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des âges de l'Église. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Hakuna jaribu hata moja ilianaweza kumfikia ila yafikiaka mtu. Et Dieu, na Mungu, qui est fidèle, mwenye kuwa mwaminifu, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ashita ruswaka mupate kujaribiwa kushindia nguvu yenu. Mais avec la tentation, lakini na jaribu, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Atatayarisha namna mukutukamu, afin que vous puissiez la supporter. Usudi mupate kuivumiria. C'est pourquoi juu kwa maana fuyez l'idolâtrie. Mukimbie kuabudu salamu. Que le Seigneur bénisse la portion de l'écriture. Bwana abariki sehemu ya neno. Nous continuons avec notre petit sujet entamé depuis hier. Tukunendelea na shina yetu kidogo ile tulianza tangia jana. Qui s'intitule faire l'issue. Banaita kupasula njia. Kupasula njia. Faire l'issue. Et nous croyons de tout cœur. Na tunamini na roho yetu yote. Que chacun de nous individuellement. Ya kwamba kila moja wetu kwa kipekee. Au jour d'aujourd'hui. Kushiku ya leo. Peut-être il est buté à quelque chose. Sa zingine anesha kujama fashi fulani. Certains, bengine, ce soit un péché, zambi, d'autres, bengine, une maladie, magonjwa, d'autres, bengine, une quelconque épreuve, bipi personnelle, kipeke, dans le mariage, ndoa, dans la vie professionnelle, kazi, dans quoi que ce soit. Na bitu ingine. Soit c'est tout simplement zingine, une difficulté de la vie magumu ya maisha, qui pèse tellement sur ile, le frère na ina et sur anuku, la soeur, na adada, au point munuta, que tout espoir na ana tumaini ata moe, commence à être perdu. Ine, tumaini yote na potea. Et Dieu connaissant cela, na Mungu mwenye kujua ile, Dieu veut nous rassurer. Mungu anapenda kutuhakikishia qu'il est le Dieu qui ne change pas. Yakusema ni Mungu ula badirike. Il y aura mon frère, il y aura ma soeur. Takuya dada yangu na nduku yangu. Dans la situation dans laquelle tu te trouves, mambo ina kutanika na mu. Dieu ouvrira une brèche. Mungu atafungula paka njia. Comment ça va se passer? Bitapitikana namna gani? Quand est-ce que ça va se passer? Wakati gani bitafika? Même moi je suis incapable Atami, de te le dire. Tashinda kukwambia. Mais gardons dans nos cœurs et dans l'esprit. Lakini tuchunge mroho yetu na mroho yetu. Que hii mambo inisha kunipita nguvu. Ces problèmes qui pèsent sur moi. Zambi na kunokana sa ces péchés qui semblent être difficiles, Dieu frayera certainement une chemin. Dieu l'a fait chemin, et il le fera. Soyez convaincus que Dieu ne peut pas abandonner ses élus de manière permanente à être enfermé dans une quelconque tentation sans intervenir. Une chose sûre, mon frère et ma soeur, hakuna magonjwa, n'y a jamais eu de maladie, hakuna zambi, n'y a jamais eu de péché, hakuna mambo, n'y a jamais eu de problème, hakuna matatizo, n'y a jamais eu de difficulté. Il est aisé que tu fiki à nous arriver nous aujourd'hui. Nyuma mashiko yapataka banaume na banamuke. Que ça n'a jamais arrivé aux hommes et aux femmes dans les âges passés. Mon ami Neville, croyez-vous cela? Hakuna magumu. Il n'y a jamais de difficulté. Hakuna magonjwa. Il n'y a jamais eu de maladie. Hakuna mambo. Il n'y a jamais eu de problème. Hakuna tangaiko moya. Même préoccupation. Il est à kufikia wewe. Vous arrivez vous aujourd'hui, mon frère ou ma soeur. Dans les âges passés, ça n'a jamais arrivé aux élus. Na kitu tunapasha kubamba ni. Et ce que nous devons saisir, bale bote bale pate le mambo ya nguvu, soit problème de difficulté, il est banaita sama magonjwa ya nguvu, les maladies, kukosewa kwa nguvu, de manquement, matatizo ya nguvu, de problème. Tukeuzeni macho, retournons nos yeux, tulize birishaka je, consultez-les, comment est-ce que ça s'est terminé? Est-ce que Dieu avait échoué? Kama ribishindwa, si Dieu avait échoué à ce temps-là, nous avons raison de nous décourager. Na shie tukuna halal ya kutoka. Mais kama ribishinda kule, kama il était vainqueur de l'autre côté. C'est-à-dire, et aujourd'hui, il sera vainqueur. Il, sera, il doit réussir. Cela doit réjouir le cœur de chaque frère et de chaque sœur. Cela doit produire en nous de l'assurance que il m'emboîte à Isha. Comment ces problèmes prendront fin? Comment? Quand? Je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, ce problème a commencé et ce problème aura fin. Et ça, ça doit être dans le cœur de chaque frère et de chaque sœur. Que ce soit le chômage, que ce soit la maladie, que ce soit quoi que tout ce que vous pouvez énumérer, soyez rassurés d'une chose. Hein. Dieu connaissait cela. Nous, on est surpris. Dieu n'est jamais surpris. Et même la mort, Dieu n'est pas toujours surpris. Mais nous sommes surpris, il est mort. Mais pour Dieu, mais quoi, Mungu, Dieu connaissait d'avance ce qui va arriver. Bile bitafika. Alors, ça, ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans des mains sûres. Nous disons ça pour susciter dans chaque frère et chaque sœur une détermination d'aller de l'avant sans abandonner. Une détermination de croire que véritablement la preuve que nous avons maman pas chez fille, le problème doit arriver et la main de Dieu interviendra. Que Dieu bénisse. Frère Branham, on a fait un commentaire. Branham fait un petit commentaire dans la prédication. Il dit ceci. Citation. Faire l'issue du 4 mars 1956. Pastor Langia, le 4 mars 1956. Oui. 86. Nous t'as qu'à 86 citations. Dieu fait toujours une issue. Mungu anekaraka paka mkupasula njia kila mara. Chaque fois. Kila mara. Maintenant, c'est à toi. Hein? Pendant que nous lisons comme wakati ça. Regarde maintenant ta situation. Mambo yako, parle à ta situation. Que na mambo yako, Dieu itafunguka. Le chemin s'ouvrira. Si kani, quel jour? Peut-être c'est ce soir pour sa toi. Ni mangaribi juu yako. Frère, sœur. Peut-être qu'on a prié longtemps pour toi. Sana. Peut-être toi-même tu as prié très longtemps. Komba sana. Silence total. Kukukipara kimia. Peut-être c'est une difficulté financière. Je ne sais pas, chacun connaît sa situation. Il ignore ce qu'on a c'est que toi tu voyais que sana, là je fais longtemps dans ces problèmes. Je crois que je vais c'est ça ma vie. Nous avons intérêt de croire aujourd'hui kwa mini leo, que Dieu Mungu fera une issue. Ata pasula njia. Il le fait d'habitude une issue. Mara et ça. Na ça doit nous pousser de croire. Peut-être c'est ton fils. C'est ta fille. C'est ton mari. Buanako, qui que ce soit. Tu sais, es arrivé au point de dire. Non, Dieu vit ah, ça va rester comme ça. Apana dada, non, mon frère, apana ma soeur, non, ma, mon frère. Minifu, le croyant. Nous devons maintenant être des positifs. Considérer que. Et mambo, la porte s'ouvrira. Et notre Dieu, na Mungu wetu, il est le souverain sacrificateur de ce que nous confessons. Peut-être c'est ton enfant. Mujambazi sana. Il est vraiment. Ndumba sana. Mwizi sana. Ma voleur. Peut-être ni bwanako. Kazingine c'est ton mari. Na wao mnyonesha na kwanza kuchika kusema. Tu as même désespéré. Je ne sais pas que rester comme ça. Mais j'aimerais te dire ma sœur. J'aimerais te dire mon frère. Na penda kwambia dada yangu. Que rien n'est encore perdu. Pourquoi Dieu fera une issue. Si tu crois. Kama tu verras l'issue se produire. Maintenant nous devons croire. Nous devons croire. Chacun en ce qui le concerne. Même moi qui vous parle, je dois dire à ma situation que Dieu doit faire une issue. Nous devons croire. La parole de Dieu, comme je l'ai dit hier, c'est ça notre bouée de sauvetage. Moussouane, je venais de lire le Kamusi. Bouée ni nani? Boya. Boya. Ah, Dieu boué. Mais j'ai oublié de vous le donner. Dieu, Mungu. La parole, hein, la Dieu nous l'a donné pour que les membres qu'on a fait à quoi qu'il a soeur, qui arrive chez qu'il chaque, soeur, frère, chaque frère, ma goumou il a pas, ma gonja il a pas, maladie que vous avez, c'est juste toi qui semble être difficile. Mungu arituma neno, Dieu a envoyé sa parole, et il a utilisé les gens à. Bapite mwile ma situation chitukuna pitale. Ces problèmes là que nous passons, traversons aujourd'hui. Mon nom à Mungu. Voyez la bonté de d'abord, Dieu. Mbele kwanja. Des hommes et des femmes comme toi et moi. Banaume qui avant nous saoui comme toi et moi. Des jeunes gens comme toi et moi. Des couples comme toi et moi. Ndoa saoui na mie. Devait d'abord passer par là. Kwanza kupitia pale. Pour inspirer la confiance. Bapate kutosha tumaini. À nous qui viendrons à la fin des temps. Mwetu bale chie tutafika kwa wakati ya mwisho. De faire vraiment confiance en ce Dieu-là. Maintenant, ne pas faire confiance en ce Dieu-là aujourd'hui, c'est une insulte. C'est insulter Dieu. Tu veux montrer à Dieu que tes problèmes, tes situations, qui nous ont précédés. Amen. Amen. Nous voulons ce soir, pas demain, pas demain, il est le Dieu je suis. Et un Dieu qui se nomme je suis, saisissez-le pendant qu'il est là. Chacun de nous peut partir de, sortir de cette porte avec une issue au sujet de son problème. Vous ne comprenez pas bien. Tel que nous sommes ici. Chaque frère, chaque soeur, selon Mambo, de vous aujourd'hui, avant de sortir, yako. Tu quitteras ici mais avec là, la solution. Mais là, tout détermination. Pourquoi ce n'est pas moi qui ai intitulé ça. Vous croyez que Frère Branham est un prophète? Oui, vous croyez ça? Pourquoi a-t-il prêché ça? Le Saint-Esprit savait qu'il y en aura qui seront butés. Il y en aura qui seront deux contre mille. Il y en aura dont les maladies toutes ces choses attendent quoi? Attendez le moment de Dieu pour qu'il y ait l'ouverture, pour vous permettre de souffler maintenant. Et Dieu aime ça pour ses enfants. Il laisse des fois des situations se dégrader pour tirer toute la gloire pour lui. Les gens n'ont pas encore compris. Il y a peu de gens citation qui ont compris. 86. Dieu fait toujours une issue chaque fois. Il a toujours fait une issue. Y a-t-il des hommes et des femmes qui sont malades? Vous êtes enfermés dans la maladie. Mais Dieu, chaque fois, quand il y a une maladie, Dieu ouvre la voie. Et tu vois, enfermé dans un péché, Dieu, chaque fois, ouvre la voie pour permettre à ses élus de se réjouir de son nom. Maintenant, ça, son nom, dans mon circonstance, vous voyez, dans de telles circonstances, mamambo, pas le wiko, tel que tu es, je m'excuse. Je ne sais pas comment j'ai laissé ça. Pas le wiko, là où tu es seul. Tu dois dire non. Je dois trouver solution à mes problèmes. Je ne dois pas quitter tel que je suis. Vous n'avez pas besoin qu'on vous impose les mains. Vous n'avez pas besoin qu'on prie longtemps pour vous. Vous avez besoin de dire amen à la parole et la solution se dégage. C'est comme ça les affaires de Dieu. Il y a eu des hommes et des femmes dans la Bible. Voyant l'acte que Jésus-Christ avait posé, là où il était, il croit que moi aussi ça doit terminer. Et la situation s'est décantée. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui. Ce qu'il a fait autrefois, si vous êtes sur la même, vous croyez de la même façon, il est tenu de le faire sur ta politique. Je continue. Nendele. La maladie vous coince dans un coin. Magonjwa inesha kumisonga sana. Satan vous coince quelque Shetani part. Anesha kumisonga fashima fulani. Après que vous êtes devenu chrétien. Kisha moko wa Kristo. 87. Vers la fin. Kumuisho est la citation. Vers la fin. Mais Dieu, chaque fois, qu'il a mar, fera une issue. Anafany pasulaka pakanjia. Kila wakati paka na pasulaka njia. Il a toujours fait une issue. Abiezi kubakia vile wiko. Ça ne peut pas demeurer tel que tu es. Abiezi kubakia vile wiko dada. Ça ne peut pas demeurer, tu ne peux pas demeurer tel que tu es. Wakati, Dieu chaque fois. Anapasulaka pakanjia. Fait une issue. Dieu a nini? Pourquoi? Mutoto akashezi kubakia mukubule kufunga. Son fils ne doit pas rester esclave. Continue. Tuendele. Si votre porte ne s'ouvre pas aujourd'hui, je ne sais pas. Regardez ce qui arrive avec nos poules. La poule va... Quand le temps arrive, lorsque wakati nenea, c'est le poussin lui-même ni kankuku qui commence de l'intérieur ndani, à créer l'ouverture. Qui sont poussins aujourd'hui? Le temps est déjà là pour que ceux qui te coincent là cèdent de la place. Mais qui doit commencer? Ta foi de l'intérieur doit commencer à briser. C'est toi-même. Même moi-même. Je dois maintenant commencer à parler ma situation. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Selon qui, ainsi dit le Seigneur. Ouvre-toi. Hapana kubakia mfungwa. Pas rester lié. Ikuye nzambi. Que ça soit le péché. Anza kusema partir à leo. Kuanzia hapa au désormais. Mambo tena kubakia mfungu mtumwa wa kufuataka television hapana. Vivre la télévision. Non. Mambo tena kabwabwa hapana. Problème de commérage. Parle toi-même. À la chose qui est en train de te coincer. Mambo ile kuna kufunga. Et de te bloquer. Na ile kuna kufunga. La chose doit céder la place. Mambo inapaswa kuacha place. Parce que toi tu es un enfant de Dieu. Uko mtoto wa Mungu. Bwana mbariki. Que le Seigneur bénisse. Regardez. Mwangalie. Il faut certaines situations pour que Dieu aussi accomplisse certaines écritures. Il faut certaines maladies. Il faut certains blocages pour que Dieu accomplisse certaines écritures. Il faut une certaine maladie pour qu'on prescrive certains produits. Le produit qu'on nous prescrive, c'est la parole. Face à quoi? À toute situation qui concerne chaque frère. Bwana mbariki. Le Seigneur bénisse. Amu yafika mchunge toi toi vole buto. Il faut mtu wote leo. Il faut que chaque atoke kuna shangilia Mungu asema Mungu afako. Ici en train de glorifier Dieu en disant merci. Kumbele ya Mungu. Venir au devant de Dieu. Prenez Psaume 65. Bebe Zaburi makumi sita na tano. Psaume 65. Zaburi makumi sita na tano. Psaume 65. Zaburi makumi sita. Écoutez. Mshiki. Verset 3. Msarikatatu. Oh toi. Oh weye. Qui écoute la prière. Ukunashikia maombi. Tous les hommes viendront à toi. Bantu bote batakuya kwako. Pourquoi? Juanin. Tu exauces les prières. Unekalaka mkujibia maombi. Les iniquités macables. Uovu inenisonga. Tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Dieu vous a-t-il admis dans sa présence? Est-ce que Mungu vous a-t-il accepté dans sa présence? Maintenant, lisons la suite. La personne que Dieu a admise. Nini kuna fika pour qu'il habite dans tes parvis. Abate kukala ma nyumba yako. Maintenant, Shibala nakubali. Nous, que Dieu a créé, qu'est-ce que nous allons dire? Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. Tutajibishwa na eri ya nyumba yako. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison de Dieu? Nini iko mnyumba ya Bwana ya Mungu? Il y a la joie. Muko fura. Il y a le salut. Muko kovu. Il y a le Saint-Esprit. Il y a la guérison. Muko matunzo. Il y a tout ce que vous pouvez demander. Muko yote. On ne le trouve que dans la présence du Seigneur. Mpaka muwepu ya Bwana. De la sainteté de ton temple. Ya ekalu yako. Dans ta bonté, muwema yako, tu nous exauces par des prodiges. Kupitia maishara, Dieu de Mungu, notre salut, wa okovu yetu, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Ya mipaka ya dunia yote na mabari. Dans sa bonté, muwema wake, quand Dieu nous exauce, Mungu qu'est-ce que nous voyons? Ni nini yetu unaona? Des prodiges. Mamujiza. Bintu bimwa namna kujiexpliquer biko nguvu. On t'aura même pas expliqué kufasilia. Banesha kukombe yaka, on a déjà prié unesha komba, tu as déjà prié, unesha kuria, tu as déjà pleuré, mais bile binafanyika, ce qui s'est fait, ni majabu, ce sont des miracles, ni majabu, ce sont des miracles, faire l'issue, kupasula njia, écoutez, mushikie, 89, mutayaki. Mais Dieu est toujours là. Lakini Mungu akutupali. Tous tournez votre pensée vers le ciel. Geuza mawazo yako kumbingu. Regardez vers le calvaire. Angaria ku calvario. Et dites na usemi. Béni Saint-Esprit. Abarikiwe Roho Mtakatifu. Viens à moi. Kuya kwangu. Je suis dans le besoin. Niko muhitaji. Que quelqu'un dise je suis dans le besoin. Est-ce que mes frères et mes sœurs qui sont dans le besoin? C'est ma que Seigneur, je suis dans le besoin. Vilo n'a pas sous la cage. Je suis dans le besoin ce soir. Ah. Observez ce qui arrivera. Mwangarie ile tafika. Dieu Mungu fera une atapasula njia. Dites-lui, mwambi, je suis dans le besoin. Niko muhitaji. Malari nakawa sana. La maladie a fait longtemps. Situation yangu inakawa sana. A fait longtemps. Niko muhitaji. Je suis dans le besoin. Nisipate bukweri, sipate bakoto, sipate gazi. Je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas d'emploi. Niko muhitaji. Je suis dans le besoin. C'est un péché? Et ni zambi. Nizambi, c'est un péché. Nizambi, si ce n'est pas un péché, combien sont dans le besoin? Ne pense pas que ce sont des jeux, des blagues. Ton besoin là, tu ne l'exprimes pas devant moi. Même moi, j'ai besoin de quelque chose. Mais disons-lui, nous sommes dans le besoin. C'est pour nous aider. Et observer ce qui arrivera. Ne quittez pas cette salle aujourd'hui avec votre besoin. Quittez cette salle avec une solution. Vous êtes avec des choses impossibles. Repartez d'ici avec des choses possibles. Mambo ya kuwezekana. Comment? Namna kani. Nous sommes les enfants de Dieu. Qui croient qu'ils sont enfants de Dieu. Maintenant, nous sommes les enfants du peuple. D'un parent. Nous lui disons que nous sommes dans le besoin. C'est un péché. Et Nizambi. Je n'en connais pas comme ça. Mi shue vile. Je n'en connais pas. Mais la promesse dit, lui fera une issue. Maintenant, je suis dans le besoin. Mon besoin là, j'ai besoin qu'il fasse une issue. Et là, le Saint-Esprit par son serviteur dit, observez ce qui arrivera. Et je suis là, dans l'expectative, en repartant, situation doit changer. Ma situation doit changer, n'a pas ce que va dire. Il y a des chrétiens ici. Nous devons lutter pour quitter avec Majibu Apa. N'accepte pas Ushindi Weleo. Observez ce qui arrivera. Dieu fera une ici. Chaque fois. Car. Il le veut. Et qu'on appelle la ville. C'est ça sa volonté. Kusaidia batoto yake. Ses enfants. Kama banakuwa coincé sana. Ils sont coincés bana songo. Anapenda kabasaidie. Dieu veut toujours les aider. Ah. Dieu a toujours fait cela. Mungu anekalaka paka mukufanya vile. Ce sont mes paroles. Et une masauti yangu. Sont des paroles inspirées. Masauti yenye kusukumwa na Roho Mtakatifu. Dieu a toujours fait cela. Anekalaka paka mukufanya vile. Frère, Nduku, il y a d'autres problèmes. Nous, on n'est pas comme Lazare. Nous sommes vivants. Lazare, ça faisait 4 jours. Lazare, à quoi chaque fois, il y a machiku iné, monye kufu. Qu'est-ce qu'il devait faire là où il était? N'y a pas chaque fois, il y a mulakuyak. C'était déjà consommé. Mais sur la terre, Lazare avait quand même une petite sœur qui croyait que Dieu peut faire une ouverture pour mon frère. Mais vous êtes ici. Lakini moi, papa. Peut-être que votre mari n'est pas ici. Buanako, peut-être que votre femme n'est pas ici. Peut-être que vos enfants ne sont pas ici. Ils sont où? Beko, ils sont quelque part. Beko, mais votre foi peut faire que Dieu fasse une issue là-bas. Les gens n'ont pas encore bien compris. On a Marie. Voyez Marie. Na Marthe. Et Marthe. Barsemaka. Et ils ont dit. Ouyou. Celui-ci. Comment il accepte de faire quelque chose, ça va se faire. Et ne regardez pas à la gravité de l'état de Lazare. Ça faisait 4 jours. 4 jours. Il est na shibenya sa bantu. C'est que nous, comme des humains, nous pouvons dire, laisser, on lui a déjà enterré. Parce qu'on lui a dit. Parce qu'il va nous mambia kusema. Il sent déjà. Et qu'on a touché à Rufu. C'est-à-dire, arrête tellement. Tu avances dans et on continue avec autre chose. Amen. Amen. Arrête. Mais Mutabia ya Mungu. Lakini dans la nature des il Dieu, veut toujours faire une issue pour ses enfants. Anapenda kapaka kupasula njia juu ya watoto wake. Même le savoranze kusema. Même lorsque toi tu dis Mungu ache tu maisha yangu imalizike. Que Dieu laisse ma vie terminer comme ça. Peko badada bale bale kwa sho uchika situation bwe bake bile na bile batakufa. Je vais déjà accepter que leur situation puisse continuer jusqu'à la mort. Kama na sonde maro ya bantu. Si vous sondez les cœurs des gens ici. Ba frère na ba sœur. Il y a des frères et des sœurs. Banesha kuchika situation bwe bake bake bile. Leur situation Mungu et ça comme ça que Dieu puisse faire autre chose. Mina landa, je m'en tout la mouchaine me connaît. Lèvons nos mains. Je suis bien quoi. Et c'est vrai. Ba, il y a des frères qui ont déjà accepté ba, Mungu que Dieu arrête. Qui... Mais ce soir, mais, la Dieu Mungu veut toujours faire une issue. Mais la quitte à toi de croire que même ce que moi je voulais que ça soit comme ça, Dieu peut faire une nouvelle solution. Oui, Dieu peut trouver une solution. Dieu peut trouver une solution. Frère, quoi Mungu, Dieu, c'est comme nous l'avons toujours lu. Il est le Dieu qui donne la vie au monde. Les gens n'ont pas compris. Là où il n'y a rien, Dieu produit la vie. Maintenant vous devez croire. Dieu peut difficulté ni quoi là où il y a la notre difficulté. Si nous croyons nous tous, chacun de nous repartira ici étant joyeux dans son cœur. Maintenant tu as miné nous devons croire. Pouvons-nous croire ça? Nous devons croire pour que certaines sœurs, certains frères repartent ici étant joyeux. Yakusema Mungu situation mena mbanzi. Ma situation a pris fin. Bon, nous venons à l'église pourquoi? Nous sommes sauvés. Nous ne péchons pas comme tout le monde pourquoi? Il y a quelque chose, frère. En venant auprès de Dieu, nous qui sommes sauvés, nous ne cherchons plus le salut. Ceux qui ont le Saint-Esprit ne cherchent plus le Saint-Esprit. Ce qui est la montagne, mais celui qui est malade, il vient au Seigneur. C'est pour repartir malade. Tu réfléchiras à ça. Pas ça ou a magumu. Toi, tu as des difficultés. Mais Mungu Dieu n'allait pas ma solution. C'est Dieu qui donne la solution. Tu et nous devons lui accorder combien d'années pour que la situation puisse prendre avec fin. Avec Dieu, Namungu, ce n'est pas comme le mandat présidentiel. Aïna, ça, ma mandat, y a ma président, apan. Il a dit à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Où qu'on a nini mikono yako? Un bâton, jette-le par terre. Maintenant, toi, ce soir, qu'est-ce que tu as dans ta main? Quel besoin tu as? Présente ça au Seigneur. Dieu, ça ne demande pas beaucoup de temps. Dieu, ça demande qu'on saisisse ce qu'il dit. Ce qu'il dit là, saisissez ça. Vous verrez les choses se réaliser. Que le Seigneur bénisse. Il y a des choses. Regardez. Quand Satan vient, en soi, qui coince les gens? C'est Dieu? Est-ce que Dieu peut-il coincer son fils? Nous? C'est Satan? Qui prive le mariage aux gens? C'est Dieu? C'est Dieu? Qui prive le salut aux gens? Ce n'est pas Dieu? Qui prive la bonne santé aux gens? Qui prive les richesses aux gens? Ce n'est pas Dieu? Sa volonté, c'est de nous bénir. Maintenant, qui s'oppose? Qui vient en obstacle? Prenez Job 20, je vais vous montrer quelque chose. Job 12. Job 20. Yobo, je ah oui, c'est là-bas. Job 20. Yobo, kuminambiri. Job 20. Yobo. Regardez ce que Satan a fait. Verset 15. Il a englouti des richesses. Alitumbukiza mautajiri. Arimeza. Sema tu vile. Il a englouti des richesses. Arimeza mautajiri. Il a englouti des richesses. Maintenant il fera quoi? Atafanya nini? Lisez tous. Tufate, il les vomira. Ateitapika. Il a englouti le mariage de Arimeza certaines personnes. Il faut itapiquer. Il doit les vomir. Arimeza santé abantu bengine. La santé des autres. Il doit vomir. Dès le début, Arimeza doit itapiquer. Tout ce que lui avait avoué, il doit les vomir. On a dans le milieu des creuseurs. Ceux qui ont fait les minéraux. Comme un creuseur à la cour à Makuta à Bosse. Quand un creuseur qui bouffe l'argent de son patron. Son patron, dès qu'il arrive, il dit, mon frère, vous allez vomir. C'est-à-dire cet argent. Justement, vous allez restituer. Ici, nous avons affaire à un méchant. Qu'a-t-il fait? Il a englouti des choses. Certains sont sans enfants, certains sans mariage, certains une santé médiocre, certains ménages. La paix arrachée. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Il doit les vomir. Maintenant, croyez qu'il doit bien tapiquer Léo. En Akawa San, il a mis longtemps. Mais la peine d'habitapiquer Léo. Comme on a mis, si tu vois, tu vois, il doit les vomir, tu vas prendre et partir avec. Il les vomira. Dieu, que fera Dieu? Dieu les chassera de son ventre. Regardez maintenant. Verset 19, plutôt 18. Il rendra ce qu'il a gagné. Atarudisha bile biote aribeba. Et n'en profitera plus. Na atafaidi atena. Qu'est-ce qu'il fera? Atafanya nini? Il restituera tout ce qu'il a pris. Atarudisha bile biote aribeba. Satan vous a pris quelque chose? Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Anapasa kufanya nini? Restitue. Arudishe. Il vous a arraché quoi? Ariminyanganya nini? Le baptême du Saint-Esprit. Afanini amilurishie. Il doit restituer. Aranzo kutendesha nzambi ukwese Roho Mtakatifu. Manquer le Saint-Esprit. Maintenant fanya nguvu leo akulurishie bila kunyang'anya. Il puisse restituer ce qu'il avait ravi. Est-ce que ba Christ peut pas? Est-ce que les chrétiens sont là? Tu combats nécessaire de quelqu'un n'a bien tout. Nous devons fournir pour quitter avec nos histoires. Oh, toi là, n'as pas cherché à lui montrer. Tu crois que le diable avait arraché quelque chose de lui? Sur base de la parole. You lui a ineno. Saisis Dieu. Umushike sa Mungu. Saisis Dieu. Umushike Mungu. Je vais vous donner une petite écriture. Terminons ça. Regardez le verset 29. Et 19. Il a opprimé. Ari. Kutawala bantu. Il a tawala, il a opprimé. Il a opprimé. Kute swa bantu. Il a fait souffrir. C'est ce que Satan fait. Et tu dois les Satan enfant. Banane banamina c'est Satan qu'on est tout est soif. Combien quoi que le diable nous fait souffrir. Délaisser les pauvres. Ana pas quoi tu viens bamashiki. Tu nyanganya bioti tu na bakia bamashiki. Ali tu bamashiki nous a délaissé les pauvres. Il a ruiné des maisons. Ari ala bisha manyumba yetu. L'a-t-il fait? Et tu arrives fanya ndio. Il y a des maisons qui manquent même la paix. Il y a des couples qui manquent la paix. Qui a fait ça? Satan. Satan. Et ne les a pas rétablis. Maintenant, celui qui rétablit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Votre maison a-t-il été dépouillée? Oui, ma maison a été dépouillée. De quoi vous connaissez vous-même? Chacun de nous connaît ses problèmes. Celui qui est en droit de rétablir, il est rétabli comment? Il envoie la parole. Et que fait la parole? La parole est rétablie les gens. Bon embarque. Que le Seigneur bénisse. Tout combat n'est ça. Nous devons nous battre. Ça, il n'a pas quelque chose. Nous avons peur. J'aimerais si votre Léo, pas coutoka, avant de quitter, tout ce que le diable t'a ravi, tu puisses te restituer. Frère, c'est un droit divin. Avoir le mariage ni alali ya kimungu. C'est un droit avoir divin. Les enfants ni alali ya kimungu. Christ, c'est un droit divin. Alali ya kimungu. Na Roho Mtakatifu, c'est un droit divin. Alali ya kimungu. Uishi maisha utakaso, c'est un droit divin. Sanctification ni alali ya kimungu. C'est un droit divin. Mais quelqu'un a arraché ça. Qu'il faut mettre ça. À tapis. Aujourd'hui, pour moi, aujourd'hui, il doit vomir. Il doit les vomir aujourd'hui. Est-ce que mon ami, croyez-vous, Andréa frère, regardez Ndoukou, Balamana Fatanaga Mandeni, c'est qu'il est Yangu Pakaleo. Pour moi, tu dois, c'est moi aujourd'hui. Si quelqu'un s'est déjà décidé, il dira, faites vos efforts pour restituer son argent. La façon dont il est venu aujourd'hui, trouver solution, pas te djibou. Tu vois l'air coincé. Et même si ils vont se moquer de toi, tu as déjà pris l'argent, c'est fini. Ça, ça n'a pas. Mais à toi aussi. Léo, jamais. Aujourd'hui, tu dois lutter pour que les diables puissent vomir. Tu dois tout vomir. Comment on a raté Kajab? Si tu rates, c'est ton affaire. Comment on a raté Kajab? Si tu rates, c'est ton affaire. Il doit rester, il doit vomir. Pas chaque tapika. Quand il a arraché chez toi, toi-même, tu connais. Ouais, mais maintenant, ça, ça. Dieu doit le pousser de son ventre, qu'il le mette ce qu'il a fait. Dieu doit faire ça. Dieu doit, regardez comment frère Branham parle. Tenez-vous tranquille. Nous ne venons pas pour rien à l'église. Nous ne sommes pas des chrétiens pour rien. Dieu Mungu donne beaucoup. Il a dit à Abraham, Ibrahim, ta récompense sera très grande. Maripoyako itakuwa mkubwa sana. Nous sommes toujours dans les récompenses ici. Tenez-vous tranquille. Très bien. De 18 mai 1957. Citation. Citation 16. Attendez, pas 16. Cita pan ngolé. Très bien, 19. 19, nous tac. Qu'arriverait-il si cet homme assis là-bas à côté de son fils considérait l'opposition et ni, son fils estropié dans ce fauteuil-là? Ni tafika kama muntu ashika pale kunangara mtoto yake mwenye kwa kilema. Frère Branham parlait d'un monsieur qui était dans la salle. Ndugu Branham anasema ndugu mmoja kwa msali. À côté de lui, kumpemeni yake, son fils, kulikuwa mtoto wake, il était chaise roulante. Dans une fauteuil roulante. Qu'arriverait-il si ce bel homme propre assis là au fond? Nini itafika kama ule muntu mzuri ashashimama ashikala kule kumwisho. Dans un fauteuil roulant, Mukichi yake kampeto, considérez les circonstances. Mwangarie mambo. Qu'arriverait-il si cette femme assise dans ce fauteuil-là? Nini tafika kama ule mwanamke ashikala mukichi kampeto, considérez les circonstances. Mwangarie mambo. Qu'arriverait-il si cette pauvre femme aveugle qui s'appuie sur l'épaule de quelqu'un pensait aux circonstances? Nini tafika kama ule dada mwanamke mwenye kwa kipofu eko natembea mwenye kubamba paribeka ya mutu. Je crois que Bantabanishke Mzou. Les gens n'ont pas encore compris. Maintenant, je parle en swahili. Nous n'assimons en swahili. Qu'arriverait-il? Ninini tafika. Ninini tafika. Qu'arriverait-il? Kama we sœur. Si toi la sœur. We frère. Toi mon frère. Unabakia ukunangaraku. Tu restes. État grave ya situation. En train de regarder kumambo yako ya nguvu. Ninini tafika. Qu'est-ce qui peut arriver? Kama unabakia macho enekutonogna. Tu restes avec les yeux. En train de regarder à tes difficultés. Si tu restes étonné situation en disant que ma situation est très difficile, tu quitteras ici sans solution. Nous, les chrétiens, nous ne regardons pas nos difficultés. Nous ne regardons pas nos difficultés. Nous regardons à la puissance de Dieu. Que Dieu bénisse. Il continue, il dit ceci. Le médecin a essayé. Il a échoué. C'est un homme comme vous et moi. Et si vous considérez cela, alors vous serez un échec. Je dis ceci. Il y a des frères, des sœurs qui ne sont pas encore mariées. L'âge, il y a des autres qui n'ont pas des enfants. Il y a d'autres frères qui sont malades. Il y a des autres qui ont des problèmes difficiles. Branham nous conseille. Les chrétiens, eux, ils ne regardent pas à la gravité de leur situation. Les enfants de Dieu, ils ne considèrent pas la gravité de la situation qu'ils ont. Et ils regardent à Dieu, celui qui est le Tout-Puissant. Alors sur ce, chaque sœur, chaque frère, ne regarde pas à tes problèmes, à tes difficultés. Vers Jésus, qui est plus grand que ma situation. Êtes-vous maintenant d'accord que chaque frère, que chaque sœur, tournons tous les regards vers Jésus. Maintenant, exprimons-lui nos besoins. Exprimons-lui. Il continue. Il dit ceci. Si tu restes en train de contempler ta situation, tu vas commencer à te poser des questions. Ça sera comment? Nous sommes en présence d'un Dieu qui peut traverser le mur sans qu'il y ait une porte. Maintenant, pour créer Dieu avec quel matériel? Qui connaît le matériel de Dieu? Dieu avait sa parole. Si c'est la même parole qui a maintenant l'existence, tout ce que nous voyons, la même parole, tu la reçois, changera ta situation. Pour que le monde ait la forme que le monde a, Dieu dit. Maintenant, le même Dieu dit à ta situation. Ta situation doit avoir une forme selon la parole. Ton état, Dieu s'adresse à ton état. L'état là doit subir la forme de la parole. Si Dieu déclare une guérison, la maladie doit prendre la forme de la guérison. À la foi. Iman. Mungu, il faut que Dieu puisse t'aider. Moi-même ici, je sens la résistance. Mais les chrétiens ne considèrent pas les circonstances. Bo abangare ki mamambo. Il considère la parole neno et se tient tranquille. C'est-à-dire, ici, c'est Dieu. Et comme Dieu a parlé, la chose doit prendre la forme de la parole. Se tenir tranquille, c'est être rassuré que les problèmes commencent à s'opérer. Les choses s'opèrent. Maintenant, j'attends l'opération. Êtes-vous là? Très bien. Dit il considère la parole et se tient tranquille. Que serait-il arrivé si Abraham avait considéré les circonstances? Quand il avait considéré son état et l'état de Sarah. Si le médecin examinait votre... Non, attendez. Si c'est cela que vous considérez votre état, alors vous êtes vaincu. Pour commencer. Donc le conseil, considérer ce qui vient de la parole. Qui sont prêts de considérer maintenant la parole? Mena, frère, Nduku, si tu quittes ici tel que tu es venu, je comme vais, nous sommes prêts à considérer tourné. La parole, personne ne va t'imposer si bote, tu peux ben, qui le nous na prenons ce que la parole de Dieu dit. Chacun de nous, nous magote, là où tu parles, quand tu parles à Jésus, tu vas dire, j'aimerais que ma vie soit ce que la parole de Dieu dit. C'est ce que je tiens. Maintenant, Seigneur, viens-moi en aide. Je ne voudrais pas repartir d'ici. Un homme vaincu. Non. Je ne voudrais pas repartir de ce lieu. Un homme encore dépouillé par Satan. Je ne voudrais pas repartir encore d'ici. Un homme dont les richesses ont été avalées. Nous avons droit à toutes les richesses, toutes les bénédictions rédemptrices que Satan a avalées. Il doit les remettre à chaque soeur et chaque frère. Vous avez droit de ça. Maintenant, quitte à toi maintenant de comprendre que c'est à moi de m'engager dans cette chose. Que le Seigneur bénisse. Combien croient à cela? Je reviens encore. Satan doit vomir tout ce qu'il vous a pris, spirituel, physique. Satan doit vomir ça. Quand? Pas demain. Maintenant. Nous devons des efforts. Qui n'a pas d'acquis la frère, la toque n'a pas Christ ou pas qu'est. Quitter avec sa chrétienté aujourd'hui. Il vous a arraché la sainteté. On avait déjà mon Christ tout ça. Mutakatif ou ça, on a mutakatif. Tu veux quitter tel que tu es venu aujourd'hui? Non, mon frère. Jésus. Jésus Christ. Hébreux 4, verset 15. Lisez ça. Tout somme il. Il n'y a jamais eu de Dieu comme Jésus. Ce qui est venu, on a sème. Écoutez comment il est en train de parler. Ou à Hébrania Iné. Hébreux 4. Ou à Hébrania Iné. Tu peux exposer tes Baba problèmes à ton mari, à ton père, komambo. À ton oncle. Mais un homme spécial n'est que Jésus. Pourquoi? Il sait bien compatir. Hébreux 4, verset 15. Sura kuminatano. Qu'est-ce que nous disons? Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir. Atuna na mkuani mkubwa ula shikalake mkushiriki. Bwana kwa sita shikaka mateso kuna shika muro yako. Ne peut jamais ressentir tes problèmes que tu as. Bibia kwa sita shikaka ne peut jamais écouter la soif. Ça ne peut jamais lui. Si moi je cherche le Saint-Esprit, ça ne peut pas faire quelque chose à ma femme. Si tu as un péché qui te fait souffrir, ton mari, ça ne fera rien. L'unique personne qui est compatible, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous avons un homme, celui qui sait bien compatir à la souffrance de ses enfants, à la maladie de ses enfants. Si tu as une maladie, Jésus-Christ, ça lui fait aussi mal. Si on te prend par maria, ça fait mal à Jésus-Christ. Si tu n'as pas des enfants, ça fait mal à Jésus-Christ. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, ça lui fait mal. C'est l'unique personne que ça lui fait mal lorsque ses enfants ne sont pas bien. Nous avons un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Verset 16. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin qu'il puisse nous pardonner et de trouver grâce. Pour faire quoi? Continuer la suite. Pour être secouru dans nos mariages, dans notre santé, dans notre christianisme. Pour être secouru quand? Maintenant. J'ai besoin de comme secours. Moi, j'ai besoin de devenir chrétien aujourd'hui. Nous sommes pour Christ ou quelque chose. Je n'attends pas la chrétienté de demain. Moi, je veux que secours n'y saïdou et Léo. Que la porte s'ouvrir aujourd'hui. Bwana mbariki. Que le Seigneur bénisse. Kama unatoka bule mtakushanga. Si tu quittes ici tel que tu es venu, na mimi mwenyewe nasema kama unatoka bule. Si je quitte sans rien à boire, je ne suis pas intelligent, je suis insensé. Frère, ni nani bar musukumaka njua kuamini. Qui est-ce qui a été poussé frère pour croire? Kanule, quel dada, frère ou la sœur qu'elle a été poussée pour croire? Nanyule Yesu arite. Qui Dieu Jésus-Christ avait appelé? Ni nani mura kia namina kwa Yesu. Qui croit que c'est Jésus-Christ qui l'avait appelé? Il nous a appelé pour? Il nous a arrêté à Juanine. Être secouru dans nos bras. Jutu pate kusaidi wa maitaji yetu. Être secouru dans nos bras. Kusaidi wa mamambo yetu. Avez-vous des besoins? Et Timbuku na maitaji. Il nous a appelé Arituita pour nous faire miséricorde, pour qu'on trouve grâce tupate nema, et être secouru dans nos besoins. Maintenant, sasa, approchons-nous avec assurance. Natikisho, celui qui doit nous aider, c'est lui. C'est ça l'assurance. Jo atikisho, dans ses problèmes, c'est lui qui va alors, terminer ça. Maintenant, allons si auprès de lui, beauté. Nous tous. Tous m'amène. Tenons-nous debout. Il faut qu'il y ait une issue. Il faut qu'il y ait une issue. Il faut qu'il y ait une issue. Il faut qu'il y ait Il faut qu'il y ait une issue. Apana kuichika dada. N'accepte pas ma sœur. Apana kuichika frère. N'accepte pas mon frère. Sengine ni mtoto yako. Peut-être c'est ton fils. Sengine ni bwana yako. Peut-être c'est ton Sengine mari. Ni bibi yako. Peut-être c'est ta femme. Ba Marie. Ba bwana. Bari moneshaka si kama uliku yapo. Avait dit comme si tu étais là. Lazare ashikuta. Lazare ne pouvait pas mourir. Mais il veut mais tel que tu es, c'est que tu vas demander, Dieu te la connaît. Ça fait bouger Jésus-Christ. Mais non, toi aussi tu dois dire, Bwana, c'est toi Dieu. Situation la situation, situation de mon fils, la situation, situation de mon mari, la situation de ma maison, situation la situation de ma mariage. Si toi tu dis un mot, c'est toi qui m'as appelé Bwana. C'est pour m'aider. C'est le moment tu dois m'aider. Tu attends la fin du mandat de qui? Ouais, alors aide-moi Bwana. Prions Dieu nous tous.